qu'on peut s'appeler? Est-ce qu'on peut s'appeler un orchestre si on joue tous de la guitare? Est-ce qu'on peut s'appeler un orchestre si on joue tous de la guitare? Casque intégral sur mon dragon, je me souviens du nord. On reconnaît la frappe au tampon, si le client est mort. Toujours honorer le drapeau, personne n'a prêté allégeance. Le GPS confirme ta présence, pas vu, pas prédit la légende. Humble dans mon arrogance, je sais que d'autres ont fait bien mieux. C'est chacun sa chance, un moment faut des adieux. Il régna d'une main de fer, transforma tous ses rats en souris. Ils s'éteignirent comme des bougies, moi comme un feu de Californie. J'aimerais avoir petits enfants, leur dire ce qui s'est passé à Orly, leur dire que c'était nous les bons. Soit l'alhamdoulilah, j'ai bien dormi. Ils ont des machines à neutrons, j'ai une canette, un triangleton. En vrai, je suis gravillon de la planète, mon iPhone c'est comme un œilleton. Fini l'heure de la mijote, les carottes sont cuites, fuck AZERTY. Bill dit qu'il a l'antidote, Vladimir dit que le thé est servi. Fini l'heure de la mijote, les carottes sont cuites, fuck AZERTY. Bill dit qu'il a l'antidote, Vladimir dit que le thé est servi. Les citoyens passifs en sueur, un afflux massif de menteurs. Niquer des mères, je le fais de bon cœur, j'ai pas besoin d'un influenceur. Vicieux personne, pas de prince dans la trappe. Tu ferais mieux d'arrêter ton cinéma et de tendre la patte. Pauvre Marie était vierge, elle m'a snappé les doigts dans la chatte. Fuck étudier, moi j'ai Google, dans deux heures je passe à la barre. Tu voulais pas perdre, fallait pas jouer, j'ai tenu comme Yasser Arafat. Le nouveau guetteur s'est fait tatouer, 22 Achaï à la bac. L'ambiance n'est pas à la fête, j'aurais dû viser la tête. L'ambiance n'est pas à la fête, j'aurais dû viser la tête. Fini l'heure de la mijote, les carottes sont cuites, fuck AZERTY. Bill dit qu'il a l'antidote, Vladimir dit que le thé est servi. Fini l'heure de la mijote, les carottes sont cuites, fuck AZERTY. Bill dit qu'il a l'antidote, Vladimir dit que le thé est servi.